بسم الله الرحمن الرحيم. متن الأربعين النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث الرابع: حديث جمع الخلق. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب40 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه الشيخان. Le quatrième hadith, l'individu créé. Abu عبد الرحمن, عبد الله بن مسعود, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, le très véridique, le prédigne de foi, nous a fait part de ce qui suit. Certes, chacun de vous, lorsqu'il est créé dans le sein de sa mère, est d'abord pendant 40 jours une gouttelette, puis devient du sang coagulé pendant une semblable durée de temps. Puis enfin, durant un même laps de temps, devient comme une bouchée de chair. Là-dessus, l'ange lui est envoyé qui insuffle l'âme, et il est ordonné à celui-ci d'accomplir 4 commandements, à savoir d'inscrire les moyens de vivre du nouvel être, le temps de sa mort, ses actions, enfin son infortune ou son bonheur futur. Par Allah, en dehors de qui il n'est pas d'autre divinité, certes, chacun de vous aurait beau œuvrer comme l'ont fait ceux destinés au paradis, en sorte qu'ils s'en approcheraient à la distance d'une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudrait, et donc il accomplira quand même les actions des damnés, et il entrerait en enfer. Et certes, chacun de vous aurait beau œuvrer comme les damnés, au point de s'approcher de l'enfer à la distance d'une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudrait, en sorte qu'il accomplirait les actions des élus et qu'il entrerait quand même au paradis. Cité par Bukhari et Muslim. The fourth hadith. When you are created. Abdullah ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him, said, the Messenger of Allah, the Truthful and Believed One, sallallahu alayhi wa sallam, said, the creation of each one of you is brought together in their mother's womb for 40 days in the form of a drop. Then they become a clot of blood for a similar period. Then a morsel of flesh for a similar period. Then there is sent to him the angel who blows his soul into him and who is commanded with 4 matters. The angel is ordered to write their sustenance, lifespan, their actions, and if they will be happy or miserable. By the one besides whom there is no deity worthy of worship, one of you will do the actions of the people of paradise, and there is merely a handspan between them and paradise. But what was predestined overtakes them, causing them to do actions of the people of hellfire, and they enter hellfire, Also, one of you would do the actions of the people of hellfire until they are merely a handspan away from hellfire. But what was predestined overtakes them, causing them to do actions of the people of paradise, and they enter paradise. Reported by Bukhari and Muslim.